Ta maman m'a validé. Avec toi je navigue. Yo, j'en veux tellement t'as pas aidé. Tes défauts, tes qualités. Avec ma plume, on peut t'arriver. Yeah. Ouh, ride avec ma ouh, pleure avec ma babe. Yo. Ouh, fuck avec ma ouh, pleure avec ma babe. Yo. Ouh, danse avec ma ouh, dors avec ma babe. Yo. Ouh, ouh, remplis ton verre. J'ai envie qu'on s'aime. Envie qu'on traîne, y'a de longues nuits sous le ciel. Pas de cauchemar sans rêve. Là jusqu'à ce qu'on crève. Une seule vie d'on crève. Pas qu'une seule nuit d'hôtel. Oh, yeah, yeah, yeah. Slow down, yeah, yeah, yeah. Slow down. C'est le moment que j'attends tellement, pleure tellement. Laisse dire carrément tout ce qu'on y respire. Yeah, yeah, yeah. Low life, oh, yeah, yeah, yeah. Ooh, baby, ne me laisse pas, tu regretteras. Les vies, elles se dansent, toi, je veux de toi, moi. Donc ne pars pas, non, non. Non, non. Yo, ta maman m'a validé. Avec toi je navigue. Yo, j'en veux tellement t'as pas aidé. Oh, tes défauts, tes qualités. Avec ma plume, on peut t'arriver. Yeah. Ouh, ride avec ma ouh, parle avec ma babe. Yo. Ouh, fuck avec ma ouh, pleure avec ma babe. Yo. Ouh, danse avec ma ouh, dors avec ma babe. Yo. Ouh, ouh, oh, yeah. Yo. Elle me donne à peine de rentrer. Elle est tellement sexy. La chambre fait bam bam bam. Elle a Nike, elle long long long. Ok, ok, t'en fais pas, moi je sais. Moi je sais, je sais, je sais. Yeah, yeah, yeah, buzz down, man. Yeah, yeah, yeah. Ça fait longtemps que j'attends tellement, sincèrement. Jet ski quand je rentre sur la baby, respire fort. Yeah, yeah, yeah, slow down, man. Yeah, yeah, yeah. Ouh, baby, ne me laisse pas, tu regretteras. Les vies, elles se dansent le cha-cha. Je veux de toi, moi, donc ne pars pas, non, non. No, yo, ta maman m'a validé. Avec toi je navigue.